Bienvenue à tous. Vous êtes sur le 105.4, il est 19h. Pour cette 9e émission, Où ira bien, qui où ira le dernier, on accueille le musicien, producteur de musique électronique, Squeaky Lobster, aka Laurent Delfort. Je salue Laurent. Salut. Et avant de parler de tes nombreuses activités musicales, scéniques et pluridisciplinaires, on va écouter direct un morceau d'un album à sortir tout bientôt. Ça s'appelle Will Of the Wisp, et on écoute la phase B, et on se retrouve un peu plus tard. Et n'oubliez pas un live, hein, c'est le principe de l'émission, il y aura un live d'un quart d'heure, 20 minutes sur la fin. I'll start again. It's just the fact, you know, of going through it. I mean, if we could cut. We'll be right back. enough. Retour dans les studios. On est en compagnie de Squeaky Lobster. Donc on vient d'entendre un album, enfin un morceau, un track à sortir le 1er août sur Vlek. T'es en connexion comme ça avec de nombreux labels bruxellois. T'as sorti Flying Groupies chez Boya, le magasin de jouets pour les 10 ans d'Unrest. Ouais. Et donc là, à venir cette EP de 5 tracks le 1er août. Mais c'est donc, toi tu l'appelles l'EP Fantôme parce que c'est des morceaux que tu as produits déjà il y a quelques temps. Ouais, c'est des morceaux que j'ai produits il y a quelques temps et qui n'étaient pas censés finalement se retrouver sur le catalogue du label vraiment, mais c'était un peu une sortie fantôme en attendant celle qui arrive bientôt. Et finalement, je crois qu'ils étaient assez enthousiastes, donc on a réussi à l'incruster dans le catalogue et à dealer ça avec Compact. Et toi, qu'est-ce que tu attends un peu de ces labels et du coup de Vlek en particulier? Ah, bonne question. Je sais pas, en tout cas chez Vlek, ce qui est assez cool, c'est qu'ils sont super motivants. Je crois qu'on partage pas mal les mêmes intérêts musicaux, donc ça c'est déjà assez cool. Et puis ils supportent aussi d'autres artistes qui sont super inspirants, et je pense que ça fait une petite famille comme ça, donc qui te motive. Tu parles de Cop Cave par exemple? Entre autres, ouais, Ramout Lobby, même Sagat là qui va sortir un truc dans pas longtemps. Donc ouais, c'est une motivation, puis en fait, eux, ils se bougent pas mal le cul, donc c'est hyper motivant, quoi. T'as envie de leur rendre l'appareil en faisant de la musique à fond, et pour qu'ils soient contents, quoi. Donc on attendra le deuxième EP pour décembre, hein, avec des nouveaux morceaux qui sont déjà bien avancés. Ouais. Pourquoi c'est important pour toi qu'ils sortent en vinyle? C'est la particularité aussi de ces labels. Ouais. Déjà pour l'objet, parce que j'aime bien le vinyle, j'achète encore pas mal de vinyle. Y a un truc personnel qui fait que pour moi, si ma musique se retrouve sur un vinyle, elle existe vraiment. Peut-être parce qu'elle est vraiment gravée sur un support. Parce que j'ai un peu l'impression personnellement que le CD, ça commence un peu à mourir avec tout ce qu'il y a, téléchargement MP3 et tout. Donc si c'est pour avoir un support digital, tu peux très bien l'avoir sur internet et le downloader tranquillement toi-même. Donc pour moi, c'est comme un objectif, quoi. Et puis en plus, par rapport à la musique et plutôt les outils que j'utilise, je trouve que ça correspond bien, et au son aussi que j'ai envie d'avoir, je trouve que ça sonne bien sur un sillon, quoi. Très bien, mais je vous invite à découvrir, hein, aller sur le site de Vlek, VLEK, pour ces albums à venir. À noter aussi la cover, hein, la belle cover réalisée par Martin Ambacher. Ouais. Petit autrichien, ouais. C'est fort sympathique. On va reprendre du début, parler un peu de ta formation, ton parcours, tes influences. Tu as fait le Conservatoire Royal de Mons en composition électroacousmatique dans la classe... C'est presque ça, électroacoustique. Électroacoustique, ouais. Dans la classe d'Annette Van de Gorn, qui a pris sa retraite il y a peu. Là. Ouais. Et c'est là que tu as développé hein, ton amour du son, très travaillé, comme on l'entend aujourd'hui. Entre autres, mais je pense que même avant de commencer ces études, j'étais déjà bien motivé du son. Je crois que c'est du coup ça qui m'a poussé à faire ces études. Mais ça a surtout développé, je pense, ma façon d'écouter les choses. Plus que de... Enfin, ma façon de composer aussi, mais... Oui, parce qu'il y a... comme une matière, hein, quand on est, y a de la matière sonore, c'est une musique très dense, presque palpable. Mmh. Oui, c'est d'office quelque chose que j'aimais déjà à la base et qu'on m'a poussé à travailler là-bas, ça c'est sûr. En même temps, c'est un milieu assez fermé, enfin, je sais pas comment t'as... là, t'es passé de ce milieu qui est ouais quand même de musique très savante au milieu musique populaire. Ouais, à la musique électronique, même si finalement ce que tu fais, enfin, je sais pas si toi tu dirais que c'est populaire. Ben moi, c'est une barrière, une séparation qui me plaît pas énormément, et ça me plaît plutôt d'aller rechercher des inspirations un peu partout et de mélanger les deux. Maintenant, bon, c'est clair que le conservatoire, c'est un milieu académique qui a des règles, qui s'inscrit dans une certaine manière de travailler, dans un passé, dans un répertoire. Et donc d'office, il y a quelque chose de plus classique et du coup un peu plus élitiste peut-être. Et dans la manière de travailler tes sons, concrètement, tu... Comment est-ce que je fais ? Ouais, et comment la manière de composer, ça se rapproche, même si c'est classé en musique électronique, ça se rapproche de ce que tu as pu faire en acoustique. Ouais, en fait, dans la manière de composer les tracks, assez bien, parce que je compose à peu près de la même manière un morceau beat qu'un morceau complètement expérimental, contemporain. Ça veut dire que je pars d'un début et je sais pas du tout où je vais aller, en fait. Donc il y a vraiment un peu, c'est de là que vient le terme musique concrète, une démarche concrète dans le fait que tu fabriques des sons, tu les assembles ensemble, et c'est un peu comme un travail de sculpture, quoi. Tu tailles dans ton son, tu as une forme et tu te dis « Ah tiens, je vais la faire dériver dans ce sens-là. » Et puis tu te laisses surprendre aussi, même si tu avais peut-être une idée directrice à la base. Tu sais jamais où tu vas arriver, quoi. Et t'as gardé un besoin pour les bonnes installations sonores, les machines. Il paraît que t'as un studio impressionnant chez toi. Ouais, j'aime assez bien. Ça, c'est un peu la culture conservatoire aussi. Mmh. Déjà, juste les écoutes, c'est cette sensibilité du son. Et puis, j'aime bien travailler avec des vieilles machines aussi, genre des vieux lecteurs à bandes ou même des cassettes. Je trouve que ça donne une couleur un peu particulière ou des effets extérieurs plutôt que des plugins, histoire de trouver aussi un peu une identité sonore. C'est quelque chose d'hyper important pour moi. Et tu passes beaucoup de temps dans ce hangar à Molenbeek, dans ton studio. Ouais, c'est un peu mon dojo. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment est né Squeaky Lobster ? Avec quelles envies ? Donc là, après j'imagine en sortant de ces études d'électroacoustique, avec quelles envies Ça existait déjà avant, pendant que je faisais ces études, j'avais aussi d'autres projets. Maintenant, à côté, j'ai toujours fait de la musique pour moi aussi, en plus de la musique que je devais remettre et faire pour le conservatoire. Donc, avant les tracks qui sortent maintenant, j'étais plutôt orienté dans les plans jungle, pas mal influencé par des labels comme Warp ou Square Pusher ou des gars comme ça, qui eux aussi avaient une espèce de précision dans leur son qui m'intéressait énormément, mais qui du coup travaillaient sur des rythmes hyper rapides, chose que j'ai un petit peu lâché maintenant. D'accord. et ce nom, Squeaky Lobster, je sais pas si tu sais, j'ai dû faire des recherches pour mon boulot à côté, et j'ai découvert le symbole du homard. Le homard était symbole de résurrection. Ouh. Ouais, il a la capacité de changer sa carapace chaque année. Ça, c'est vrai. Ouais. Enfin, c'est ce qu'il dit. Et du coup, il renouvelle complètement son apparence. Espérons que ça se passe pareil avec la musique au fur et à mesure des années. Et sinon, ça vient plus des petits jouets en plastique que t'as sur le coin de ta salle de bain et que quand tu presses, ça fait un petit son bizarre que j'aime bien. D'accord. Ça vient plutôt de là, le nom. C'est plus une blague. Mais... Ok. On va écouter un autre morceau ça s'appelle K. Toi, tu parles de sculpture sonore pour ça. Ouais. Et c'est, on en parlera après l'avoir écouté, donc un morceau que tu as produit pour Anti-VJ, qui a été utilisé. Qui a été utilisé, ouais. Je l'ai refait un edit pour eux, mais il existait déjà à la base. Ok, on va écouter K. continuer à entendre Cam et on reprend la parole dans les studios. Donc on disait que c'était Squeaky Lobster. Tu as produit, enfin Anti-VJ a utilisé ce morceau que tu as produit. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, hein, Anti-VJ c'est un label visuel d'artistes européens qui propose des performances live et des installations visuels et sonores. On a pu les voir notamment à Bruxelles pour des soirées plastiques au Jésus, qui était assez impressionnante, ces installations, et aux nuits sonores, voilà, à Lyon, entre autres. Comment tu vas travailler en fait l'interaction avec les visuels, avec eux? Ben là, pour cette pièce-là, c'est la première fois qu'on a collaboré ensemble. Et du coup, là, c'était un des gars qui avait flashé sur cette musique-là. Et il m'a demandé de refaire un edit, donc c'était assez simple. Et par contre, on a refait une collaboration pour une install en Suède. Et là, c'était assez intéressant parce que du coup, on avait un mois pour créer un événement de 15 minutes. Et donc, on part un peu de rien, d'une idée. Eux, ils vont faire les repérages quelques semaines avant, histoire de gérer leur mapping. Et puis après, c'est parti, quoi. On se voit, on se donne 2-3 lignes directrices. Et là, en l'occurrence, c'était plutôt le son qui guidait la création vidéo. Donc, moi, j'étais tout seul, il fallait que je ponde à fond des minutes, et c'était hyper chronologique, quoi. On continuait d'avancer, et suivant les matières qu'on avait, bah, on se disait, ah, peut-être on prend cette direction ou une autre. Et tu produis en amont ou tu vas sur place hein? Non, là c'est vraiment du travail de vieux nerd, on reste tous bien connectés sur Skype, à discuter tout le temps, à boire plein de café, et on reste bien chez soi devant nos ordinateurs à créer le truc, on se fait des échanges comme ça, et puis seulement on se retrouve en fait presque 2 jours avant la performance pour installer le matos et voir si tout va bien quoi. Donc Anti-VJ, d'autres collaborations pluridisciplinaires, tu bosses pas mal avec de la danse? En effet, ouais. Depuis quelques années, c'est danse que c'est contemporaine. Avec... Ouais. Ben, j'ai bossé avec un chorégraphe catalan qui s'appelle Roberto Olivan, qui était danseur chez Rosas pendant pas mal de temps, qui du coup maintenant a sa compagnie à lui qui s'appelle Enclave. On a fait la dernière création de son dernier spectacle il y a un an et demi, un truc comme ça. Et là, on va rebosser ensemble sur une création dans un mois à Madrid. J'ai bossé avec une chorégraphe berlinoise qui s'appelle Katia FM Wolf aussi, donc pas mal. Et là, dernièrement, j'ai bossé avec l'école du cirque de Turin aussi. Donc, mais là, c'est pareil, hein, tu produis de ton côté. Et, Jusqu'à présent, ça a été plus ou moins comme ça. Avec la chorégraphe berlinoise, là, c'était une résidence. Donc, tu arrives sur place et pendant un mois et demi, tu bosses directement avec les danseurs et tu suis la création, la chorégraphie et tu t'accompagnes vraiment la composition, quoi. À Turin, c'était pareil, mais c'était vraiment super rapide. On a eu qu'une semaine pour faire 1h30 de musique pour un spectacle. Et là, par contre, c'était en plus une collaboration avec des musiciens que je connaissais pas, des instrumentistes, un percussionniste, un batteur et une contrebassiste. Donc c'était assez challenge quand même pour moi au début. Je me disais ok, une semaine, ça va être vite. Et puis finalement c'était une super rencontre, ça s'est super bien passé. On a réussi à... On s'est enfermé dans une cave et on a fait de la musique pendant une semaine et on a réussi à faire ça quoi. Parce que pour ceux qui n'ont pas vu Squeaky Lobster en live, c'est quand même assez impressionnant, super physique tes lives. Ouais, c'est vrai, je transpire pas mal après. Ouais, c'est un plaisir de te voir jouer. C'est important aussi pour toi la scène. Hein. Ouais, complètement. Maintenant, j'aime beaucoup jouer à l'étranger et me confronter à différents publics. Je suis un peu timide de répéter les choses, par exemple chez moi, dans ma propre ville, dans mon propre pays. Je préfère limiter les performances, mais revenir avec des choses plus fraîches à chaque fois. Tandis qu'aller jouer à l'extérieur... Ouais, c'est toujours hyper intéressant, quoi. Il y a un truc aussi très sensuel, quoi, quand tu joues. Je sais pas si t'es conscient de ça, si c'est volontaire de ce que ça provoque, quoi, ce qu'il y a dans cette musique. Je sais pas trop ce que ça provoque, mais en tout cas, c'est clair que j'aime bien le mouvement, parce que bon, après, c'est une musique qui est un peu, c'est électronique, donc déjà, tu vois un type sur scène derrière un laptop, tu comprends pas trop ce qu'il fait. Mais après, même quand je fabrique la musique, j'aime bien tourner les boutons et avoir l'importance du geste pour moi. Je préfère jouer vraiment le truc que de faire des automations, par exemple, même quand je compose ou que je fais un mix, je préfère pouvoir le contrôler moi-même, manuellement, et d'être présent dans son geste. Je pense que c'est ça te permet de vivre ta musique un peu plus, quoi. Alors, on va écouter un morceau que tu aimes bien. Ça s'appelle Pauline. Ouais. Et c'est qui, Pauline ? C'est mon amoureuse. C'est ta copine. Tu me disais, oui, voilà, que c'était un morceau qui restait comme ça, notamment pour... Mais c'est un morceau que j'ai fait pour elle, parce qu'elle est danseuse, et elle a fait un petit solo, et j'ai composé ce truc-là pour elle. Et je sais pas, j'aime bien la façon dont le morceau évolue, et particulièrement une petite partie en plein milieu, okay. Avec juste des petites clochettes qui me font un peu... où j'ai bien été inspiré par Steve Reich. Steve Reich, ouais. Très bien, on va entendre ça. Thank you. retour dans les studios. On vient d'entendre Pauline, un morceau de Squeaky Lobster. On va t'entendre en live, Squeaky, d'ici 5-10 minutes. Avant, je voudrais qu'on parle un petit peu d'un de tes projets, un projet collectif. Il s'agit de South of No North, anciennement appelé Drifting Beer Collective. Exactement. Pour le premier album. Et vous sortez sur un petit record. Ouais. Ça. Et donc dans South of No North, on peut. Tu joues avec Jean-Ri Rigaud, Flash Bunny, Laurent Baudou, Sun Papa, David Meunier Nan et Cédric Stevens Acid Kirk. Et c'est une musique plus psychédélique. Comment toi tu définirais un peu ce que vous faites? Je suis pas très bon en catégorisation, mais je trouve qu'en tout cas ce disque-là, c'est un peu une espèce de disque hybride entre du Miles Davis à la Beaches Brew, des vieux moments cosmiques un peu Sun Ra et croisé avec du Can à la limite. Donc c'est une musique complètement improvisée, qui pallie complètement du coup à mes autres projets. Oui, c'est ça, très différent de ce que tu fais en solo. Tout à fait, plutôt calculé en fait. Donc c'est très bien, c'est presque thérapeutique. Et ça correspond à d'autres influences que tu as eues, comme le free jazz. Ouais, totalement. Notamment, Sun Ra, Jim O'Rourke, c'est des références. Ouais, grandes références, oui. Okay. Grandes influences aussi. Et vous produisez comment ça marche South of No North. On se produit, on met un peu du temps parce que je pense que chacun des membres a un peu aussi ses projets sur le côté. Et donc c'est un peu difficile de réussir à trouver tout le temps du temps pour répéter ensemble et aussi gérer des concerts. Maintenant, avec la sortie de ce disque-là, je pense que ça va un peu plus bouger. On a notamment normalement une soirée au Botanique, une soirée Humpty Dumpty, je pense en octobre, je ne sais pas encore vraiment la date, mais autour du 20, je pense. Et du coup, j'espère qu'on va beaucoup plus jouer, ouais. Parce que là, ces derniers temps, on a eu un petit peu période de creux, du coup, justement, parce qu'on préparait ce disque-là, toute la phase mix, mastering, pochette, ça prend du temps. Ouais. Et toi, quel est ton rôle, du coup, là-dedans, basse? Basse, mais beaucoup de choses, en fait. Basse électronique aussi, effet, parfois des petits claviers. Basse instrumentale, sinon? Oui, basse électrique, ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, basse électrique. À la base, il y a ce côté-là, un peu formation rock, plus ou moins classique, parce que Laurent joue des claviers, Nanar joue la batterie, Jean-Henri joue la guitare, moi je joue la basse. Et Cédric, lui, il joue toujours des instruments, mais un peu transformés. Et donc, il arrive souvent un moment où nos instruments de base ne ressemblent plus trop à ce qu'ils sont à l'origine. Mais c'est ça qu'on aime bien, je crois, dans cette musique. Et du coup, c'est un autre rapport aussi pour toi, le fait de tenir un instrument. Tu disais tout à l'heure, il y a un effet peut-être un peu plus froid, un peu plus distant quand on est derrière son ordinateur. Ouais. Là, tu es à la basse. C'est indispensable pour moi. À la base, je suis bassiste, donc c'était vraiment important pour moi de revenir aussi à une formation, de jouer avec des gens. Et surtout, le côté improvisé, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Parce que tu dois travailler ton écoute et tu dois être présent. Et c'est un truc qui se passe sur le moment, comme ça. Donc c'est un grand plaisir éphémère. Alors on va écouter un peu mieux le morceau qui passe pour l'instant derrière. C'est Midget Midnight Bass. Pourquoi ce morceau-là? Parce qu'en fait, c'est le plus court, mais il est déjà vachement long. Il fait 27 minutes. Ouais, on va entendre un extrait. Voilà. Et l'autre en faisait 35. Ok, donc vous êtes plutôt dans des temps longs, impro et... On décide pas, donc là en l'occurrence le premier morceau sur le vinyle est divisé en deux faces, mais il se trouve qu'il y a un moment absolument parfait dans l'impro qui nous a permis de faire ça, donc c'est... Très bien, on écoute. Thank you. Vous entendez South of No North, un des projets de Squeaky Lobster, aujourd'hui avec nous, dans Ouira Bien, qui ouira le dernier. Bientôt, d'ici quelques secondes, on va pouvoir l'entendre en live. Avant ça, on peut venir te voir le 15 juillet. Tu joues avec Laurent Baudou au Central. Aussi le 10 septembre à City Sonics à Mons, et puis pour un showcase Vlek au Beaux-Arts en octobre. N'hésitez pas à aller donc sur le site de Vlek pour en savoir plus. Voilà, quoi d'autre ? Des remerciements, merci à JP, à la technique aujourd'hui et toujours. Merci à Julien, Charlotte et Marcan pour la préparation de l'émission. Fournier, Lo-Fi Stories et La 8. Vous pouvez retrouver cette émission d'ici une petite semaine sur notre blog ouirabien.blogspot.com et on vous laisse donc avec un live d'un bon quart d'heure, Squeaky Lobster pour Ouira Bien. C'est parti. Thank you. Oh.